380 Paradox. Swift the God, PACO, CIC. C'est la même rengaine malsaine qui se ramène toutes les semaines. Toujours pas de ça, sème la de merde, trop mes semelles. Je veux faire carrière, je me vois toucher le ciel, trouver le seuil. Mais dis-moi de quoi le poulet se mêle. Je pourrais de zèle, je fous les pieds dans le plat. Bouger des sanglas, je l'ouvre une plaisante page, t'explique. J'ai préparé ma guerre, j'ai déboulé chez Swift avec mes barres et ma bière. Avec art et manier, lâche mes verres à la con. Je prends un mic et je raconte ma galère, vagabond. Je vais pas lâcher l'affaire, j'ai le phrasé amer. J'aurais peut-être dû faire le vache pour brasser ma frère. Ce n'est pas le but, non, c'est pour ça que j'avance, mec. La patience est ma lutte, j'ai ce message à transmettre. Je pense crête, j'écris le soir et je t'avance, mec. C'est ma vie, mon histoire, j'attends pas que la chance. Souvent la même au quotidien, ma rengaine, crois-moi, j'y tiens. Tu comprends pas, attends, j'y viens, tout ça chimiste, tout magicien. C'est simple que des vides chiens, du fils peut se distingue. Fini d'être humble ici, tous les bonhommes se distinguent. Distant, on a des rêves, mon destin ne les suit pas. 380, ma cause garde, on verra bien ce qui suivra. Peu importe si je suis mal, un jour la merde s'en ira. Du courage dans le virage, me battrai toujours au final. Ma rengaine a mille visages, difficile que tu discernes le vrai du faux dans le journal, à la rubrique des faits divers. On s'y perd depuis un bail, nos projets sont au cimetière. Mes frères sur des civières et le golal dans des citernes. C'est vrai, j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Cette rengaine, elle est malsaine, me harcèle et puis m'achète. Puis ma sève et puis moi je saigne. Aussi elle pue la zèle, faut faire avec ma main. L'esquiver, c'est plus la peine. Rengaine malsaine, quotidiennement nous malmène. C'est l'encrête, nos peines, de nos peurs dans nos thèmes. Rengaine malsaine. Tous les jours ça devient pire, elle s'arrange, tout dérive. Aujourd'hui on paye le prix, rengaine malsaine. Quotidiennement nous malmène, c'est l'engraine, nos peines. Du bordel dans nos têtes, rengaine malsaine. Tous les jours ça devient pire, elle s'arrange, tout dérive. Le message est dans nos rêves. J'écris ça, t'écris ça, le monde casse, son heure est venu. Ça se termine comme c'est parti, car les lascars veulent des grosses thunes, on en a marre. De cette galère interminable, de cette rengaine qui pète le crâne. Elle est malsaine, elle ton craft. Check le mic, élu crash que je fais mal. Achève le spiff, achève sur scène, 7 sur 7, la vie me rempart. J'suis parano, dépressif. À part nous, peu insiste, on veut des lots. Fais du kiff, on veut plus de reuves, les low-key. On morphe depuis tout kid, on parle depuis tout style. Des vagos, des tom-toms, des parades, des bonbons d'héroïne. Rien d'héroïque, on applique la théorie. Éclairant notre art comme le ciel par une météorite. Fonce des hauts en chronique hebdomadaire. Je taffe, je gratte et j'analyse, nous fous en l'air. La routine nous enferme comme des schizos qu'on interne. Pas d'excuses au fait, lâche tes liasses et on s'insère. Un camas de Marie-Jeanne, une faux-fonce à la Smirnov. Animal et cannibal, rap de l'escalachnikov. Sicilien, yougoslave, ouais c'est chez moi que ça riposte. Et mon gros, tu me verras pas faire la rosta. Nice people, ça bicrame, ça picole. Zarikane et paricrame, j'ai les crocs et ma vicrane. Viens pour sortir les barricades, lacrymo sont les bombes. Et dans un état minable, la tente est interminable. Et la sentence est magistrale, car la maille, j'ai reniflé dans les voitures de certains. Leur châtiment va tomber un jour comme le mur de Berlin. Pour l'instant, je suis perdant. Et tous les lascars sans tête kiffent le bruit des dérapages. Ils rêvent d'un AK-47. On nous dit, calmez-vous, les têtes et les tarpés bougent. L'arsenal est bien caché, on est massif comme l'armée rouge. Paradoxe, lâchez-vous, la mafia bicrave des douze. C'est pas con, et Swift God, on est juste affamé de flou. Rengaine malsaine, quotidiennement nous malmène. C'est l'encrête, nos peines, de nos peurs dans nos thèmes. Rengaine malsaine, tous les jours ça devient pire. Elle s'arrange, tout dérive, aujourd'hui on paye le prix. Rengaine malsaine, quotidiennement nous malmène. C'est l'encrête, nos peines, du bordel dans nos têtes. Rengaine malsaine, tous les jours ça devient pire. Elle s'arrange, tout dérive, le message est dans nos rimes. Swift God, Paco, 380, Paradox gros.